Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, enregistrée un petit peu plus tôt dans la semaine. Et pour info, on retrouvera une émission en direct dimanche prochain, le 20 février. Qu'est-ce qu'on retrouve au menu de cette nouvelle émission Hellbanger ? Eh bien, ma foi, près d'une dizaine de nouveautés. Joli renouvellement de la playlist donc pour ce dimanche, avec des formations françaises et étrangères. Du côté de la France, on retrouvera notamment Oxed Bones, Dysmorphectomy, et à échelle internationale, Immolation, Napalm Death et autres réjouissances du genre. L'ouverture de l'émission se fait par une doublette de oldies, mais hautement qualitatif, à savoir Immolation et Volcano. Immolation, donc première nouveauté dans l'émission d'aujourd'hui, les vétérans du Death Ricain, les New Yorkais, sortent là leur 11e effort studio, 5 ans après le précédent, le très très bon Atonement. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce nouvel effort d'Immolation? Interludes sont environ 50 minutes de death metal, un artwork magnifique, une fois de plus signé Eliran Cantor. Et musicalement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Et bien toujours une bonne grosse torgnole death metal, un peu old school, un peu tech, mais juste vraiment ce qu'il faut en termes d'équilibrage. Et bien évidemment, cette incontournable sensation de se faire passer sur la gueule par un rouleau compresseur, que ce soit au niveau des compos, de la manière dont c'est joué, que de la production. C'est hyper soigné tout en étant hyper brut ce que nous propose Immolation. Nouvel effort studio toujours dispo chez Nuclear Blast, prévu le 18 février. Il s'intitule Acts of Gods. On s'écoutera le titre The Edge of No Light. Et dans la doublette avec Immolation, les vétérans brésiliens de Volcano, ils sortent leur nouvel effort studio Stone Orange. Volcano, c'est au moins aussi vieux que Immolation, puisque du coup le groupe a eu le jour mi-80. 12e effort studio, toujours un black net trash assez speed et bien frontal. Voilà donc pour la doublette, on se contente le titre Trigger of Vengeance, Immolation, Volcano. Et bienvenue dans l'émission. Bloodshed. This insane crusade. soul. Nor yes, her. Son of us until today, and for forever. Be God is creator of things. Then created Satan. In the rebellion of the angels. Now, no more Lucifer. Ensuite, mais dans deux styles totalement différents, nous aurons tout d'abord les vétérans de Saxon, le vieux groupe de heavy hard rock anglais qui sort son 24e Ilfor Studio en 45 ans de carrière. Il n'y a rien d'incroyable, mais ça reste vachement bien fait. À noter un artwork plutôt soigné, vraiment bercé par l'ambiance des années 80. Et musicalement, ça continue vraiment à tenir la route, hein, surtout au niveau du chant. Biff Bifford, il est toujours bien présent derrière le micro. Et voilà, ça passe vraiment tout seul, Saxon. C'est vrai que c'est un peu plus inspiré que sur les albums sortis il y a une dizaine d'années. Donc voilà, plaisir de découvrir ce 24e Effort Studio de Saxon. Et ensuite, les jeunes loups aux dents longues de Venom Prison, 3e Effort Studio pour le groupe gallois. Ils sortent un album ultra riche en termes de crossover death hardcore avec des éléments mélodico-atmosphériques qui créent vraiment un intérêt, un enthousiasme pour l'écoute. Et puis bon, Venom Prison, en termes d'engagement et sur scène, c'est toujours la méga patate. À noter un artwork signé Eliran Cantor, juste sublime une fois de plus. Saxon Carpe Diem, l'album est déjà dispo, on s'écouterait le titre Supernova. Venom Prison, l'album s'intitule Erebos, il est déjà dispo chez Century Media. Et on s'écoutera le morceau Comfort of Complicity, c'est parti. Inside the heavens, far across the Milky Way. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, on est dans la session métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On enchaîne avec la doublette internationale suivante, Vorga, récente formation de black allemand, formée en 2016. Musicalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Un black assez intense et soutenu, une thématique science-fiction et des inflexions musicales mélodiques qui ne sont pas sans rappeler la vague black 90 venue de Suède à la croisée d'un Dissection ou d'un Dark Funeral. Voilà, c'est ultra solide ce que nous propose Vorga sur ce nouvel Effort Studio qui s'intitule Thriving Toward Oblivion. Il est déjà disponible, on s'écoute le titre Starless Sky, et dans la foulée d'autres vétérans après Saxon, Vulcano et Immolation, et il s'agira de Tokyo Blade, le groupe de Heavy qui sort son nouvel album sobrement intitulé Furry, et on s'écoutera le titre Kill Me Till I'm Dead. C'est parti, Vorga, Tokyo Blade. des vétérans et encore une grosse locomotive dans l'émission. Les Anglais de Napalm Death, les patrons du grindcore qui nous sortent un, non pas un album, mais un EP, Final Throes of Truth. C'est pas une phase B, c'est plus les sessions enregistrées lors du précédent album qui était sorti en 2020. Hein, pour rappel, l'album de 2020 chez Napalm s'intitulait Throes of Joy in the Jaw of Defeatism, un album ultra quali une fois de plus. Et voilà, ce nouvel EP dans la continuité directe du dernier album est déjà dispo chez Century Media. Son nom complet, c'est même Resentment is Always Seismic, Final Throes of Truth. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce nouvel EP de Napalm Death ? 8 morceaux, 6 titres voilà, qui viennent des sessions de du précédent album, et 2 covers pour une durée totale d'une trentaine de minutes. Voilà, les présentations sont refaites avec Napalm Death, on s'écoutera le titre Narcissus. Et dans la foulée, Lifesick, le groupe de chaotique hardcore des 6 ans venu du Danemark, Misanthropy, c'est le nom de leur nouvel effort studio. On s'écoutera le très sombre Enslavement Method, c'est parti. juste avant d'attaquer l'aspect française, on va encore s'écouter pardon, une doublette avec une nouveauté dedans. Tout d'abord, Battle Beast, la formation de Heavy Catchy Power, qui nous sort son nouvel et sixième album studio, Unholy Savior. C'est vrai que la formation finlandaise nous avait laissé un petit peu un goût amer de trop facile, trop chiant sur les trois précédents albums. Et là, ma foi, ils ont complètement réveillé mon intérêt avec ce nouveau Circus of Doom. Un album qui est épique et qui est cool et qui est bien inspiré, toujours porté par une voix d'enfer. Nuclear Blast, c'est toujours leur écurie. On s'écoutera le très très très frontal Road to Avalon. Et dans la foulée, une autre nouveauté, Mass Worship. Ça nous vient également du Grand Nord. Qu'est-ce que nous propose musicalement Mass Worship? La formation suédoise sort là son deuxième effort studio, qu'ils viennent tout juste de signer via Century Media. Musicalement, on est sur un espèce de mix Cross Death Black Idan. L'album a un faux arrière-goût de mid voire down tempo sur son ensemble. Et à côté de ça, les mecs ils vont chercher des inspirations mélodiques et en termes de riffing chez leurs comparses de At The Gates ou Meshuggah. C'est très polyrythmique, hein, très syncopé au niveau des guitares. Et le cocktail est assez déroutant, hein, parce que du coup on a ce mid-tempo permanent, crusty grind, avec un son de basse ultra dégueu. Et en même temps on a ces riffs meshuggahiens par-dessus, enfin c'est... voilà. C'est super original et ça s'écoute très très bien, Mass Worship, donc, et ça nous vient de Suède. Second effort studio qui s'intitule Portal Tombs. Century Media, c'est donc leur écurie, et on s'écoute le titre Reveal in Fear. C'est parti pour la doublette du Grand Nord. On attaque tout de suite l'aspect française avec Pensée Nocturne qui a bénéficié d'un très généreux focus il y a 2 semaines. Le groupe de grandiloquent black metal français sort son nouvel effort studio Douce Fange, toujours chez les Acteurs de l'Ombre, un album ultra quali et très très riche qu'il faut prendre le temps de s'écouter. On s'écoutera l'extrait Fin des fins. Et dans la noirceur la plus totale, Céleste qui sort son nouvel effort studio Assassin, une sortie Nuclear Blast, première fois que Céleste sort un album sur le gros label. Elle se répète froidement, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, et musicalement, Céleste marque une évolution. Pour faire simple, avant on était sur du sludge black, là maintenant c'est vraiment plus du black sludge, hein, c'est beaucoup plus cru au niveau du son. C'est parti, Pensée Nocturne, Céleste. Viens là, ma biche. Viens là. Oui, tu vas aller bien m'insérer. Oui. Et moi, je vais prendre le couteau. Hein? Alors, pour les tuer. Il va lui couper la tête. Bien sûr. Mais vous allez voir, elle ne va pas souffrir comme ça. Viens là. Viens là, ma chérie. C'est bien. Voilà, ma belle.